Chapitre 10. Premier établissement, le flamand, l'échelle de bambou. Lorsque le repas fut terminé, je dis à ma femme: il faut songer à notre logement pour la nuit au pied de l'arbre, car nous ne pourrons pas nous y établir ce soir. Occupe-toi aussi de préparer des courroies et des harnais, afin d'aider l'âne et la vache à transporter ici le bois nécessaire à nos constructions. À l'aide d'une toile à voile posée au-dessus de l'enceinte, formée par les racines de l'arbre, notre demeure provisoire fut facilement construite. Ensuite, je pris avec moi Fritz et Ernest, et je me rendis au rivage pour tâcher d'y trouver du bois propre à former des échelons. Nous étions à la vérité environnés de branches de figuiers sèches, mais je n'osais m'y fier, et je ne trouvais de bois vert nulle part dans le voisinage. La rive était couverte de bois échoué, mais il répondit fort mal à mon attente, et nous allions retourner sur nos pas, aussi peu avancés qu'auparavant, quand, par bonheur, Ernest découvrit à moitié enseveli dans le sable une quantité de grands bambous. Aidé de mes enfants, je les dégageai de ce limon et je les coupai en morceaux de 4 à 5 pieds de long que je divisai ensuite en 3 paquets pour pouvoir les porter plus aisément. J'aperçus dans le lointain un buisson vert dont je pensais que le bois pourrait m'être utile. Nous nous mîmes donc en marche, nos armes toujours en état suivant notre habitude et précédées de bile. Soudain la chienne s'élança en avant et en quelques sauts pénétra dans le buisson d'où nous vîmes sortir aussitôt une volée de flamands. Fritz, toujours enchanté de faire le coup de fusil, tira sur les traînards et en abattit 2. L'un resta couché, mort, mais l'autre, qui n'était que légèrement blessé à l'aile, se releva et se mit à courir de toute la vitesse de ses longues jambes. Mon fils, heureux de son adresse, courut pour ramasser le mort et s'enfonça dans la vase jusqu'aux genoux. Quant à moi, aidé de Bill, je m'élançai sur les traces du fuyard que je finis par atteindre et dont je liai les ailes. Pendant ce temps, Ernest était tranquillement assis sur l'herbe et attendait patiemment notre retour. Chargé de mon flamand, j'arrivai près de lui et je fus presque abasourdi de ses cris de joie en voyant les belles couleurs rouges de cet oiseau. Il était temps de retourner au logis, mais je ne voulus pas quitter ce lieu sans couper de roseaux de l'espèce dont se servent les sauvages pour faire leurs flèches, et je dis à mes enfants que c'était pour mesurer notre arbre géant. Ils se mirent à rire, prétendant que 10 de ces roseaux, attachés au bout l'un de l'autre, ne pourraient seulement pas atteindre la plus basse branche. Je leur rappelai l'histoire des poulets, qu'ils déclaraient imprenables, et sans leur en dire davantage, nous nous disposâmes à revenir au logis. Ernest se chargea de mes roseaux et de mon fusil. Fritz emporta son flamand mort, et moi je me chargeai du vivant. Mais à peine avions-nous fait quelques pas que Fritz attacha son flamand sur le dos de Bill. « À merveille, mon fils, mais vas-tu donc ainsi marcher à ton aise, tandis que ton frère et moi nous sommes si péniblement chargés ?» L'enfant comprit mes paroles et me demanda à porter le flamand blessé. Je le lui passai et nous continuâmes à marcher jusqu'au moment où nous arrivâmes près des bambous que nous avions laissés derrière nous. Je me chargis de ces paquets, et c'est dans cet équipage que nous arrivâmes près des nôtres, qui nous accueillirent avec des cris de joie et d'admiration. On ne pouvait se lasser d'examiner le flamand, ses plumes brillantes, son bec et ses longues pattes. Notre ménagère seule témoigna la crainte que cette bouche inutile ne diminuât la petite quantité de nos provisions. Je la rassurai en lui disant que ce bel oiseau saurait bien lui-même fournir à sa nourriture sans nous être à charge, en pêchant dans le ruisseau voisin de petits poissons et des insectes. Je me mis ensuite à examiner sa blessure qui n'avait atteint que l'aile, et je commençai immédiatement à la panser selon mes connaissances en y appliquant un onguent composé de beurre et de vin. Je lui attachai ensuite à la patte une ficelle assez longue pour lui permettre de se promener et d'aller se baigner dans le ruisseau. Au bout de 2 à 3 jours, il fut complètement apprivoisé et sa blessure guérie. Après ce pansement, je m'assis sur l'herbe et je travaillai à me faire un arc avec un morceau de bambou et des flèches avec les roseaux que nous avions apportés. comme ils auraient été trop légers, je les remplis de sable mouillé et je garnis l'une des extrémités de plumes de flamand. Puis je me préparai à en faire l'essai. Aussitôt, mes enfants se mirent à sauter autour de moi en criant « Un arc et des flèches ? Laissez-moi tirer, mon père, laissez-moi tirer !»« Restez tranquille, » leur répondis-je. « Ce n'est point un jouet, mais un instrument nécessaire à mes projets que je viens de fabriquer. Ma bonne femme, pourrais-tu me donner une pelote bien longue de fil très fort ?» Elle trouva dans le sac qu'elle avait eu soin d'attacher sur l'âne ce que je demandais. Et au même instant, Fritz, que j'avais envoyé mesurer notre provision de cordes, vint m'annoncer qu'il en avait compté 50 brasses ou 240 pieds, ce qui était plus que suffisant. J'attachai alors la pelote de fil à une de mes flèches, et par un vigoureux effort, je la décochai de manière qu'elle vint retomber par-dessus l'une des plus fortes branches de l'arbre, entraînant avec elle le fil que je dévidai à mesure. J'attachai à l'extrémité une corde plus forte, et en mesurant mon fil, je vis que la branche était à une hauteur de 40 pieds. Je tendis alors parallèlement à terre 100 pieds de bonne corde forte de près d'un pouce, de manière à laisser entre les deux morceaux un intervalle d'un demi-pied. Je m'assis devant, et Fritz reçut l'ordre de couper des bambous en morceaux de deux pieds, qu'Ernest introduisait dans des nœuds que je faisais de pied en pied le long des deux cordes, et aux extrémités desquelles Jack passait deux clous. C'est ainsi qu'en très peu de temps, et au grand étonnement de ma femme, je parvins à me fabriquer une échelle de 40 pieds. Nous attachâmes alors l'extrémité de l'échelle à l'un des bouts de la ficelle qui pendait sur la branche, et en tirant l'autre bout, nous relevâmes jusqu'à la branche dont l'accès nous était maintenant permis. Tous mes fils voulurent alors monter et se précipitèrent vers l'échelle. Mais je désignai Jack comme le plus léger des trois aînés. Celui-ci grimpa avec l'adresse et l'agilité d'un chat, arriva sans encombre sur la branche et me fit signe que Fritz pouvait monter sans danger. J'y consentis, mais en lui disant de monter avec le plus de précautions possible, et je lui donnai un marteau et des clous pour fixer solidement l'échelle sur la branche. Tout en suivant avec anxiété son ascension, nous retînmes de toutes nos forces l'échelle par le moyen de la corde qui pendait sur la branche, et nous le vîmes enfin arriver heureusement. Quand l'échelle fut attachée solidement sur l'arbre, je montai à mon tour et j'emportai une poulie que je m'occupai à clouer à une branche voisine pour nous faciliter le lendemain les moyens d'élever nos planches et nos poutres. Je redescendis ensuite, heureux de ce travail. Quand j'arrivai auprès de ma femme, elle me montra ce qu'elle avait fait pendant la journée. C'était des harnais pour l'âne et la vache. Tous nos préparatifs étaient donc terminés et il ne nous restait plus qu'à souper, lorsque je m'aperçus que Jack et Fritz n'étaient pas avec nous. Ma femme me dit qu'elle ne les avait pas vus descendre. Cependant, la nuit était venue, et la lune brillait de tout son éclat. Je commençais à devenir inquiet de cette absence prolongée, et je cherchais à découvrir mes enfants, quand nous entendîmes au-dessus de nos têtes deux voix entonner l'hymne du soir. Je n'osais les interrompre, tant ce chant avait de charme au milieu de cette belle nature et du silence qui nous entourait. Mais quand ils eurent fini, je leur criai de descendre bien vite et je ne fus complètement rassurée que quand ils eurent touché terre. Pendant ce temps, ma femme, aidée de Franz et d'Ernest, avait allumé un grand feu et préparé notre souper. Nos animaux se réunirent alors pour prendre leur nourriture du soir, que ma femme leur distribua. Les pigeons s'envolèrent et se nichèrent sur les branches de l'arbre, nos poules se perchèrent sur les bâtons de l'échelle. Quant au bétail, il fut attaché autour de nous. Notre beau flamand lui-même se percha sur une des racines, puis plaçant sa tête sous son aile droite et relevant sa patte gauche, il s'endormit. Pour nous, nous fîmes un grand cercle de feu afin de nous isoler des animaux sauvages qui pourraient venir nous attaquer la nuit, et nous attendîmes avec impatience le moment de prendre notre repas et de goûter le sommeil à notre tour. Ma femme nous avertit enfin que tout était prêt. Nous nous assîmes en cercle et nous nous mîmes à dévorer le délicieux porc épic. Pour dessert, mes enfants nous apportèrent des figues ramassées sous l'arbre. Nous fîmes ensuite une courte prière, puis au milieu des bâillements réitérés, une ronde générale dans tous les environs. Nous gagnâmes alors nos hamacs. Ils furent d'abord trouvés bien incommodes, mais le sommeil eut bientôt mis fin à toutes les plaintes. Quelques moments après, tous les gémissements furent terminés. Et je n'entendis plus autour de moi que la respiration faible mais régulière de tous ces petits êtres, ce qui me prouva que moi seul de toute la famille, je veillais encore. Chapitre 11. Construction du château aérien. Première nuit sur l'arbre. Le dimanche, les ortolans. Pendant la première moitié de la nuit, je fus extrêmement inquiet. Au moindre bruit, je me redressais avec angoisse et j'écoutais avec effroi les feuilles agitées par le vent ou les branches sèches qui tombaient. De temps en temps, quand je voyais un de nos feux se ralentir, je me levais et je courais y jeter du bois. Tout était pour moi sujet de crainte. Après minuit, je me tranquillisais un peu en voyant que le calme le plus parfait régnait autour de moi. Enfin, vers le matin, je fermais les yeux et je m'endormis si profondément que lorsque je m'éveillai, il était déjà fort tard pour commencer notre travail. Aussi nous priâmes, nous déjeunâmes rapidement et l'on se mit à l'ouvrage. Ma femme donna alors à manger à l'âne et à la vache, puis elle leur endossa les harnais et partit avec eux, escortée d'Ernest, Jack et Franz, pour aller chercher au rivage les planches dont nous avions besoin. Moi, je montai avec Fritz sur l'arbre pour y faire les préparatifs nécessaires à la commodité de notre établissement. Je trouvai tout mieux disposé encore que je ne pensais. Les grosses branches s'étendaient dans une direction presque horizontale. Je conservai les plus fortes et les plus droites, et j'abattis les autres avec la hache et la scie. À 5 à 6 pieds au-dessus de celles-ci, j'en gardai une ou deux pour suspendre nos hamacs. D'autres, plus élevées encore, devaient nous servir à poser le toit de notre édifice, qui consistait en un morceau de toile à voile. Nous travaillâmes à élaguer tout le reste, et ce travail pénible dura jusqu'à ce que ma femme nous amena 2 fortes charges de planches. Nous les hissâmes une à une à l'aide de la poulie, et nous en fîmes d'abord un plancher double pour qu'il résistât mieux au balancement de l'arbre et au poids de nos corps. Puis, sur le bord, nous établîmes une balustrade solide. Ce travail et les voyages pour nous amener de nouvelles planches remplirent tellement notre matinée que l'heure de midi arriva sans que personne eût songé au repas. Il fallait donc nous contenter pour cette fois de biscuits et de fromage. On se remit à l'ouvrage et nous nous hâtâmes de hisser la pièce de toile à voile. Elle fut fixée à grand-peine sur les branches supérieures, de manière que les bouts, en tombant, couvrissent à droite et à gauche notre habitation, et une 3e muraille s'élevant jusqu'à elle alla la rejoindre derrière le tronc de l'arbre, de manière à garantir complètement ce côté. Nous nous étions réservés pour voir et pour entrer dans l'appartement le 4e côté de la construction. C'était celui qui était tourné vers la mer, afin de nous ménager un air frais et la vue la plus agréable. Nos hamacs furent aussitôt montés dans le palais aérien et les places choisies pour le soir. Je descendis alors de l'arbre avec Fritz et je trouvai au pied plusieurs planches dont nous n'avions pas eu besoin. Je les employai à faire une table et des bancs que je fixai dans l'espace embrassé par les racines et que je destinai à nous servir de salle à manger, tandis que mes enfants ramassaient le bois et les branches sèches et les liaient en fagots qu'ils amoncelaient autour de l'arbre. Enfin, épuisé par mon travail de la journée, je finis par me jeter sur un banc en essuyant mon front couvert de sueur. « J'ai travaillé comme un cheval aujourd'hui, » dis-je alors. « Aussi, ma chère femme, je veux me reposer demain. » « Tu le peux et tu le dois, » me répondit-elle, « car c'est demain, dimanche, et le second même que nous passons sur cette côte. Nous avons négligé le premier. » J'en convins, mais je lui fis sentir que les soins de notre conservation avaient dû naturellement passer les premiers, et j'ajoutai pour nous justifier que nous n'avions point manqué de prier le Seigneur chaque jour. L'excellente créature me remercia ensuite de lui avoir construit ce château aérien où elle pourrait dormir sans craindre pour nous les attaques des bêtes sauvages. « Bon, lui dis-je, en attendant, donne-nous ce que tu peux pour dîner, et appelle les enfants. » Ceux-ci ne se firent pas attendre, et ma femme, au temps du feu une marmite de terre, la porta près de nous. Le couvercle fut enlevé avec curiosité, et nous vîmes le flamand tué par Fritz et que ma bonne femme avait fait bouillir parce qu'elle craignait que l'âge ne l'eût rendu trop dur. La précaution fut trouvée inutile et la bête dévorée avec appétit. Pendant ce temps, l'autre flamand était venu se mêler aux volatiles qui nous entouraient et se promenait majestueusement autour de nous en ramassant les miettes de pain qu'on lui jetait. Le petit singe sautait d'une épaule à l'autre pour tâcher d'attraper quelques bons morceaux et nous faisait les plus comiques grimaces. Pour compléter le tableau, notre truie, que nous n'avions pas vue de tout le jour, vint nous rejoindre en témoignant sa joie par des grognements significatifs. Ma femme avait trait la vache, et chacun de nous avait eu une bonne jatte de lait. Mais je la vis abandonner au cochon tout ce qu'il en restait. Je lui reprochai une telle prodigalité. Elle me répondit que le lait ne pouvait se conserver par une pareille chaleur, et qu'il valait mieux le donner à la truie que de le perdre. En sortant de table, j'avais allumé un feu dont la lueur devait protéger notre bétail pendant la nuit. Aussitôt qu'il fut bien brillant, je donnai le signal du repos. Mes trois fils aînés eurent bientôt gravi l'échelle. Ma femme vint après eux, le cœur tremblant, mais sans trop oser montrer sa crainte. Elle monta lentement et arriva enfin sans encombre. J'avais tenu l'échelle pendant ce temps. Je montai le dernier, portant le petit Franz sur mes épaules, puis à la grande joie de mes enfants, je retirai l'échelle après moi. Quoique nous trouvant bien en sûreté, je n'en fis pas moins charger les armes à feu pour qu'elles fussent sous notre main, prêtes à foudroyer tout ennemi qui voudrait attaquer les bêtes que nous avions laissées endormies sous la garde de nos dogues. Peu de temps après, le sommeil avait fermé nos paupières et la première nuit que nous passâmes sur l'arbre fut d'une tranquillité profonde. Je remarquai au réveil que nos enfants ne se firent nullement prier pour sortir du lit, et qu'ils se vantèrent d'avoir parfaitement dormi. Les hamacs, si incommodes la nuit précédente, n'avaient excité celle-ci aucun murmure. « Que faire aujourd'hui ? » me demandèrent-ils. « Rien, mes enfants, car c'est dimanche. »« Un dimanche ? Un dimanche ? » s'écria Jack. « Ah, je vais lancer des flèches et m'amuser toute la journée. »« Non pas, mon enfant. Le jour du Seigneur n'est pas le jour de l'oisiveté, mais celui de la prière. » « Mes amis, nous célébrerons ce jour aussi religieusement que nous le pourrons dans cette solitude. Nous chanterons les hymnes du Seigneur et je vous raconterai une parabole qui réveillera en vous des sentiments pieux et sincères. » « Une parabole ? Une parabole comme celle du semeur de l'Évangile ? Oh, racontez, racontez !» s'écrièrent tous mes enfants. « Chaque chose à son tour, » répondis-je. « Soignons d'abord nos bêtes, déjeunons, puis je vous raconterai ma parabole. » Tout fut fait comme je l'avais dit et nous nous assîmes sur l'herbe, les enfants dans l'attitude de la curiosité, ma femme dans un silencieux recueillement. Je leur composai alors une petite histoire appropriée à leur situation. Je leur racontai qu'un roi puissant avait voulu former une colonie. À tous ses sujets qu'il y avait envoyés, il avait distribué le même nombre d'outils, des semences égales pour cultiver chacun des terrains de même grandeur. « Cultivez avec soin, leur avait-il dit, et soyez toujours prêts à me rendre compte de vos travaux, car j'enverrai de temps en temps, et sans vous en prévenir, chercher tantôt l'un, tantôt l'autre de vous. Et si je récompense ceux dont la conduite aura été bonne, je saurai punir ceux dont je ne serai pas satisfait. » Parmi les colons, les uns avaient obéi, les autres, soit négligence, soit mépris, étaient restés dans l'inaction. Mais un jour le grand roi les manda devant lui, et dans son équitable répartition des peines et des récompenses, il tint tout ce qu'il avait promis. Tandis qu'il comblait d'honneur et de distinction les colons fidèles et obéissants, il fit enfermer dans d'affreux cachots les sujets qui n'avaient pas écouté sa voix. J'eus soin de terminer par des conseils donnés directement à chacun d'eux. Je vis avec plaisir que mes paroles n'étaient pas perdues et que tous avaient saisi mon allégorie. Je compris bientôt que ces jeunes esprits ne pouvaient rester ainsi toute la journée, et je leur permis de se livrer à leur jeu. Jack vint me demander de lui prêter mon arc et mes flèches. Fritz se prépara à travailler à ses étuis de margaille et vint me demander mes conseils. Franz, qui n'osait pas encore toucher aux armes à feu, me pria de lui faire aussi un arc et des flèches. Je conseillai à Jack d'armer ses flèches de pointes de porc-épic et de les y fixer avec des tablettes de bouillon qu'il devait faire fondre à moitié sur le feu. J'enseignai à Fritz comment il devait s'y prendre pour laver la peau de son margaille et la débarrasser des parties de chair qui pourraient y être restées. Je lui conseillai ensuite de la frotter avec du sable et des cendres et de prier la ménagère de lui donner quelques œufs de poule et du beurre pour la rendre plus souple. Sa mère lui demanda ce qu'il comptait en faire. Il lui expliqua l'usage de ses étuis et aussitôt elle combla ses désirs. Tandis que nous étions ainsi occupés, un coup de fusil partit au-dessus de nos têtes et deux oiseaux tombèrent à nos pieds. Effrayés du bruit, nous levâmes la tête et nous vîmes Ernest descendre de l'échelle d'un air triomphant et courir avec Franz ramasser ses oiseaux. Fritz et Jack quittèrent aussitôt leur travail, mais pour courir à l'échelle et tâcher de tuer quelque autre oiseau. Je les aperçus avant qu'ils fussent montés. « Qu'allez-vous faire ? » leur dis-je. « Épargnez les créatures du Seigneur pendant le jour qui lui est consacré. C'est déjà trop de deux victimes. » Ils s'arrêtèrent aussitôt et revinrent vers moi. Les deux oiseaux étaient, l'un une sorte de grive, l'autre un ortolan, espèces toutes deux bonnes à manger. Je remarquai alors pour la première fois que nos figues sauvages attiraient une quantité innombrable d'oiseaux et que les branches de notre arbre étaient couvertes de grives et d'ortolans. Je me réjouis fort de cette découverte, car je savais que ces oiseaux rôtis se conservaient très bien dans le beurre et qu'ils nous fourniraient ainsi des provisions abondantes pour la saison des pluies. La prière du soir termina dignement cette journée, pendant laquelle nous ne nous étions livrés à aucun travail fatigant, et nous regagnâmes à la file notre demeure aérienne. Chapitre 12. La promenade, nouvelle découverte. Dénomination de divers lieux, la pomme de terre, la cochenille. La matinée du lendemain fut tout entière consacrée à une multitude de soins qui devaient contribuer à l'amélioration et à l'agrément de notre demeure aérienne. Jack continua à s'exercer à tirer de l'arc avec Franz, auquel j'avais confectionné aussi un arc et des flèches, et Fritz a façonné ses étuis. Ma femme nous appela pour le repas dont l'heure était arrivée. Aussitôt que nous fûmes assis, « Mes enfants, commençai-je, ne devrions-nous pas donner des noms aux parties de cette contrée que nous connaissons déjà ? Cela nous aidera dans nos travaux et nous nous entendrons beaucoup mieux. Seulement comme les côtes peuvent être déjà dénommées, nous nous bornerons à donner des noms aux lieux principaux auxquels se rattachent quelques souvenirs. Jack. Ah oui, cherchons des noms bien difficiles. Les voyageurs nous ont assez écorché la langue avec leurs noms, tels que Kamtchatka, Spitzberg. Moi. Petit fou, sais-tu si jamais personne prononcera le nom que tu auras inventé ? Contentons-nous de bons mots allemands. La langue de notre patrie est assez belle pour que nous n'allions pas chercher ailleurs. Nous commençâmes par la baie où nous avions abordé. Sur la proposition de ma femme, elle reçut le nom de Rettungsbucht, baie du salut. Notre première habitation, celui de Zeltheim, maison de l'attente. L'île qui était dans la baie, celui de Heuinsel, île du requin, en mémoire du requin que nous avions tué. Le marais où Fritz avait failli s'enfoncer, celui de Flammenstumpf, marais du flamand. Après bien des débats, notre château aérien reçut celui de Falkenhorst, l'air du faucon. La hauteur sur laquelle nous étions montés pour découvrir les traces de nos compagnons s'appela promontoire de l'espoir trompé, enfin le ruisseau, ruisseau du chacal. Nous passâmes ainsi en babillant le temps du dîner et nous prenions plaisir à poser les bases de la géographie de notre royaume que nous décidâmes en riant de voir être envoyé en Europe par le prochain courrier. Après le dîner, Fritz retourna à ses étuis, qu'il consolida en les doublant d'un morceau de liège. Jack, en voyant le résultat obtenu par son frère, accourut me prier de l'aider à faire la côte de maille en porc-épic pour Turc. Nous lavâmes et frottâmes la peau, et Turc, entièrement harnaché, nous parut alors en état de combattre une hyène ou un tigre. Sa camarade Bill, seule, se trouva mal de ce nouvel essai, car quand elle s'approchait sans défiance de lui, elle s'enfuyait bientôt en poussant des cris lamentables, piquée qu'elle était par les dards de la côte de maille. Pendant ce temps, le soir étant venu et la chaleur du jour étant tombée, je songeais à faire à ma famille une petite promenade. Où irons-nous ? M'écriai-je. Toutes les voies furent pour Zeltheim. Je proposai de ne pas suivre notre ancien chemin le long du rivage. Ma motion fut adoptée. Nous partîmes bientôt tous bien armés, excepté ma femme qui ne portait qu'un pot vide. Turc marchait devant nous fièrement, revêtu de sa cotte de maille. Le petit singe voulut prendre sa place accoutumée, mais aussitôt qu'il eut senti les piquants, il fit un bond de côté et courut se réfugier sur Bill, qui n'y mit pas d'obstacle. Enfin, il n'y eut pas jusqu'au flamand qui ne voulut être de la partie. Après avoir essayé du voisinage de chacun de mes fils et dégoûté par leurs espiègleries, il vint se placer à mes côtés et chemina gravement près de moi. Notre promenade était des plus agréables, car nous marchions à l'ombre de grands arbres au milieu d'un gazon touffu. Mes enfants se dispersèrent à droite et à gauche, mais quand nous sortîmes du bois, craignant quelque danger, je les appelai pour les réunir. Ils revinrent tous en courant, et Ernest, tout essoufflé, fut cette fois le premier à mes côtés. Il me présenta trois petites baies d'un vert clair, sans pouvoir d'abord prononcer une parole. « Des pommes de terre !» s'écria-t-il enfin. « Des pommes de terre !»« Des pommes de terre ? Serait-il bien vrai ? Mène-moi à l'endroit où tu les as découvertes. » Nous courûmes dans la direction qu'il nous indiqua, et nous trouvâmes en effet un champ d'une immense étendue couvert de pommes de terre. Les unes étaient encore en fleurs, les autres étaient en pleine maturité. Quelques-unes sortaient à peine de terre. Jack se précipita aussitôt pour les déterrer, mais il aurait fait peu de choses si le singe n'eût couru l'imiter. Nous les aidâmes avec nos couteaux. En peu de temps, nos gypsières furent remplies et nous nous préparâmes à continuer notre route. Quelques-uns de mes enfants me firent observer que nous étions déjà bien chargés et qu'il vaudrait peut-être mieux retourner à Falkenhorst. Mais notre excursion à Zeltheim était devenue si nécessaire que nous poussâmes toujours dans cette direction. La conversation se porta naturellement sur le précieux tubercule que nous venions de découvrir. « Il y a là pour nous, dis-je à mes fils, un trésor inestimable. Après la faveur que Dieu nous a faite en nous sauvant du naufrage, ce bienfait est le plus grand, le plus important de tous ceux qu'il nous a accordés jusqu'à ce jour. » Nous atteignîmes bientôt les rochers au bas desquels courait le ruisseau du Chacal et que nous devions longer jusque-là. La mer à droite s'étendait dans le lointain comme un miroir. À gauche, la chaîne des rochers présentait le spectacle le plus ravissant et le plus pittoresque. C'était comme une serre chaude d'Europe. Seulement, au lieu de mesquines et étroites terrasses, au lieu de pots à fleurs et épars çà et là, toutes les crevasses, toutes les fentes de rochers laissaient échapper à profusion les plantes les plus rares et les plus variées. Là, les plantes grasses aux tiges épineuses, ici le figuier d'Inde aux larges palettes, ici la serpentine, laissant tomber le long du roc ses larges rameaux souples et enlacés. Enfin, l'ananas, surtout, y croissait en abondance. Comme ce roi des fruits nous était bien connu, nous nous jetâmes dessus avec avidité. Le singe même nous aida à en moissonner, et je fus obligé d'arrêter mes enfants de peur qu'ils ne se fissent mal. Une autre découverte qui me fit presque autant de plaisir fut celle du Caratas. Je voulus faire partager à mes fils l'admiration que j'éprouvais pour cette utile plante qui ressemble à l'ananas en leur faisant voir ses belles fleurs rouges. Mais ils me répondaient la bouche pleine « Merci de vos fleurs, nous aimons mieux l'ananas. » « Petit gourmand, la répliquai-je, vous ne savez pas juger les choses. Je vais vous faire bientôt changer d'avis. Ernest, prends dans ma gypsière un briquet et une pierre. Et fais-moi le plaisir de m'allumer du feu. » Mais il me faudrait de l'amadou. En voici, lui dis-je, et je pris une tige de caratas. J'en ôtai l'écorce extérieure, j'en mis un petit morceau sur la pierre et je battis le briquet. Aussitôt elle prit feu, et mes enfants sautèrent tout joyeux autour de moi en criant Vive l'arbre à amadou! Ce n'est pas tout, leur dis-je. Je vais maintenant donner à votre mère du fil pour coudre vos habits quand ils seront déchirés. Et en disant ces mots, je tirai des feuilles de caratas une grande quantité de fils forts et souples qui émerveillèrent mes enfants et causèrent la plus grande joie à ma bonne femme. Elle n'y trouva qu'une chose à redire, c'est qu'il serait long d'en extraire un à un tous ces fils. Je lui appris que rien n'était plus aisé en faisant sécher au soleil les feuilles dont les fils se détachaient alors d'eux-mêmes. « Eh bien, dis-je à mes enfants, cette plante vaut-elle l'ananas ? » Ils convinrent tous que j'avais raison. « Cette autre plante que vous voyez auprès, continuai-je, est un figuier d'Inde. On le nomme aussi arbre raquette, parce que ses feuilles ressemblent en effet à des raquettes. Son fruit est très estimé des sauvages. À peine eus-je prononcé ces mots que Jack courut pour en faire une bonne récolte. Mais il revint bientôt en pleurant, les doigts traversés de 1000 petites épines. Je l'aidai à se dégager la main et je lui montrai la manière de prendre ce fruit sans se blesser. Je fis tomber une figue sur mon chapeau, j'en coupai les deux bouts avec mon couteau et la prenant alors à ces deux endroits, je la dépouillai facilement de son enveloppe et je la donnai à goûter à mes fils. Elle fut trouvée excellente, peut-être à cause de sa nouveauté, et chacun se mit à en cueillir. Je vis alors mon petit Jack examiner avec beaucoup d'attention une de ces figues qu'il tenait au bout de son couteau. « Que fais-tu là ? » lui dis-je. « Voyez donc, mon père, » me cria-t-il, « il y a sur ma figue un millier de petites bêtes rouges comme du sang. »« Ah ! » m'écriai-je, « encore une nouvelle découverte, c'est la cochenille. » Mes enfants me demandèrent ce que c'était que cet animal. C'est, leur répondis-je, un insecte qui, séché et bouilli, sert à donner une magnifique couleur rouge, fort estimée dans le commerce. L'arbrisseau qui le porte s'appelle nopal, ou cactus opuntia. Ernest, mais comme nous n'avons rien à teindre en rouge, et que ses fruits, pour être cueillis, demandent trop de soins, je préfère l'ananas. Moi, fais donc attention que cet arbrisseau peut nous être utile de plus d'une manière. Il nous sera facile d'entourer notre habitation d'une haie de ses raquettes, et ses feuilles épaisses nous garantiront des animaux malfaisants. Jack, c'est une plaisanterie, mon père. Vous le voyez, cet arbre n'a pas de solidité, et un couteau aura bientôt fait une ouverture à votre haie, quelle que soit son épaisseur. Et pour nous donner une preuve de ce qu'il avançait, il tira son couteau de chasse et se mit à s'escrimer contre un des plus grands arbrisseaux. Les raquettes cédaient avec facilité, lorsqu'une d'elles vint tomber sur la jambe du spadassin et lui fit jeter un cri perçant. « Moi, eh bien, penses-tu maintenant que cette haie ne soit pas de nature à arrêter les téméraires qui s'exposeraient à la traverser ?»« Jack, j'en conviens, mon père. C'est une bonne leçon dont je profiterai, surtout si vos connaissances peuvent nous indiquer un moyen de faire cesser la cuisante douleur que les maudites épines me causent. » Une feuille de karatas étendue sur la partie souffrante enleva tout à coup cette vive douleur, et cet incident n'eut d'autre suite que de nous faire rire aux dépens du jeune imprudent. Enfin nous nous remîmes en marche, et nous arrivâmes au ruisseau du Chacal. On le passa avec précaution, et nous atteignîmes bientôt la tente où tout était resté en ordre. Fritz courut chercher de la poudre et du plomb. Moi, ma femme et Franz, nous allâmes à la tonne de beurre remplir notre pot vide, et Jack et Ernest s'occupèrent à prendre des oies et des canards. Ils y réussirent avec assez de peine, car nos animaux étaient devenus un peu sauvages pendant notre absence, mais enfin ils parvinrent à attraper deux oies et deux canards. La côte de mailles de Turc fut remplacée par une sacoche de sel, et nous reprîmes le chemin de Falkenhorst, emportant avec nous les oies et les canards enveloppés dans nos mouchoirs. Au milieu de leurs cris, des aboiements de nos dogues et de nos bruyants éclats de rire, excités par cette étrange musique, nous arrivâmes sans encombre au logis. Ma femme courut traire la vache dont le lait nous rafraîchit beaucoup. Les pommes de terre firent les frais de notre repas, et après avoir dans notre prière remercié le Seigneur de cette précieuse découverte, nous montâmes notre échelle et nous passâmes la nuit dans un profond et tranquille sommeil. Chapitre 13. La clé, la poudre à canon, visite à Zeltheim, le kangourou, la mascarade. J'avais remarqué sur le rivage, entre autres choses utiles, une grande quantité de bois qui pouvait me servir à construire une clé dont j'avais grand besoin pour transporter à Falkenhorst la tonne de beurre et les autres objets de première nécessité, trop lourds pour être portés à bras. Je formai le projet de m'y rendre le lendemain matin en emmenant avec moi Ernest, dont la paresse se trouverait un peu secouée par cette promenade matinale, tandis que je laisserais auprès des nôtres Fritz qui pouvait leur être utile. Aux premières lueurs du crépuscule, je sautai à bas de mon lit, je réveillai Ernest, prévenu la veille, et nous descendîmes l'échelle sans réveiller nos gens. Nous prîmes l'âne et nous lui fîmes traîner une grosse branche d'arbre dont je pensais avoir besoin. Moi, eh bien mon fils, n'es-tu pas fâché que je t'aie réveillé si tôt, et n'aimerais-tu pas mieux être resté à Falkenhorst pour tuer des grives et des ortolans ? Ernest, non mon père, j'aime mieux être avec vous. Aussi bien mes chasseurs m'en laisseront-ils encore, et je suis sûr que leur premier coup en fera fuir plus qu'ils n'en abattront dans toute leur chasse. Moi, et pourquoi cela, mon ami ? Ernest, c'est qu'ils oublieront certainement d'ôter les balles qui sont dans les fusils pour les remplacer par du petit plomb, et puis ils tirent d'en bas, sans songer que la distance du pied de l'arbre aux branches est hors de la portée du fusil. Moi, tes observations sont justes. Mais il eût été mieux de prévenir tes frères que de te réserver le plaisir de te moquer d'eux après leur désappointement. En général, ajoutai-je, mon cher Ernest, je loue et j'estime ton habitude de réfléchir avant d'agir. Mais il faut prendre garde que cette habitude excellente en elle-même ne dégénère en défaut. Il est des circonstances où il faut savoir prendre une résolution instantanée. La prudence est une qualité, mais la lenteur et l'irrésolution peuvent quelquefois devenir pernicieuses. Que ferais-tu, par exemple, si un ours venait soudain se jeter sur nous ? Fuir ? Les ours ont de bonnes jambes. Tirer ? Tu risquerais de voir ton fusil raté. Il faudrait se retrancher derrière ce pauvre âne que nous sacrifierions, et alors nous trouverions le temps de fuir ou de tirer à coup sûr. Nous arrivâmes cependant au rivage sans avoir rencontré d'ours qui nous mit dans la nécessité d'employer mon plan. Je me hâtai de fixer notre bois sur la branche d'arbre, toute couverte encore de petites branches et qui faisait l'office de traîneau. Nous y ajoutâmes une petite caisse échouée sur le sable et nous reprîmes le chemin du logis, aidant l'âne, avec deux longues perches qui nous servaient de levier, à traîner sa cargaison dans les mauvais pas. En arrivant près de Falkenhorst, nous jugeâmes, au coup que nous entendions, que la chasse aux grives était commencée. Nous ne nous étions pas trompés. Les chasseurs s'élancèrent au-devant de nous dès qu'ils nous aperçurent. La caisse fut ouverte, mais elle ne nous fut pas fort utile, car elle me parut avoir appartenu à un simple matelot. Elle ne contenait que des vêtements et du linge à moitié gâté par l'eau de mer. Je me rendis alors auprès de ma femme, qui me gronda doucement de l'inquiétude où je l'avais laissée. Mais la vue de mon beau bois et la perspective d'une claie pour transporter notre tonne de beurre l'apaisèrent bientôt. Je demandai à mes enfants combien ils avaient tué d'oiseaux, et j'en trouvai 4 douzaines. Je remarquai que ce produit n'était nullement en rapport avec la consommation qu'ils avaient faite de poudre et de plomb. Je les grondai donc de leur prodigalité. Je leur rappelai que la poudre était notre plus précieux trésor, qu'elle était notre sûreté, et serait peut-être un jour notre seul moyen d'existence. Je conclus à ce qu'on apportât à l'avenir un peu plus d'économie à la dépenser. Je défendis dorénavant le tir aux grives et aux ortolans, et je décidai qu'on y suppléerait par des lacets que j'appris à mes enfants à fabriquer. Jack et Franz goûtèrent à merveille la nouvelle invention, et leur mère les aida dans ce travail, tandis que je pris Fritz et Ernest pour perfectionner avec moi la claie. Pendant que nous étions tous ainsi occupés, il s'éleva dans notre basse-cour une grande agitation. Le coq poussait des cris aigus, et les poules fuyaient de tous côtés. Nous y courûmes aussitôt, mais nous ne rencontrâmes, au milieu des volatiles effarouchés, que notre singe. Ernest, qui le regardait du coin de l'œil, le vit se glisser sous une grosse racine de figuier. Il l'y suivit aussitôt et trouva là un œuf tout frais pondu que le voleur se disposait sans doute à avaler. En le pourchassant dans un autre endroit, on découvrit encore 4 autres œufs. « Ceci m'explique, nous dit ma femme, comment il se fait que nos poules dans la journée chantent souvent comme si elles allaient pondre sans que je puisse jamais rencontrer d'eux. Nous résolûmes alors que le petit coquin serait privé de sa liberté toutes les fois que nous croirions les poules prêtes à pondre. Jack cependant était monté sur l'arbre pour placer les pièges et en descendant il nous donna l'heureuse nouvelle que les pigeons que nous avions rapportés du vaisseau y avaient déjà fait un nid et avaient pondu. Je recommandai de nouveau de ne jamais tirer dans cet arbre, de peur d'effrayer ces pauvres bêtes, et je fis porter les pièges ailleurs pour ne pas les exposer à s'y prendre. Cependant, je n'avais pas cessé de travailler à ma claie qui commençait à prendre tournure. 2 pièces de bois courbées devant, liées au milieu et derrière par une traverse en bois, me suffirent pour la terminer. Quand elle fut achevée, elle n'était pas trop lourde et je résolus d'y atteler là. En quittant mon travail, je trouvai ma femme et mes enfants occupés à plumer des ortolans, tandis que 2 douzaines enfilées dans une épée d'officier en guise de broche rôtissaient devant le feu. Ce spectacle était agréable, mais je trouvais qu'il y avait prodigalité et j'en fis des reproches à ma femme. Elle me fit observer que c'était pour les conserver dans le beurre, comme je le lui avais appris, et me rappela que je lui avais promis d'apporter à Falkenhorst la tonne de beurre que nous avions laissée à Zeltheim. Je me rendis à son observation et il fut décidé que j'irais immédiatement après le déjeuner à Zeltheim avec Ernest et que Fritz resterait au logis. Ma défense de se servir de la poudre comme par le passé causait de vifs chagrins aux enfants. Ils s'en plaignirent pendant le repas. Franz, avec son enfantine naïveté, vint me proposer d'en ensemencer un champ qu'il soignerait de ses propres mains si je voulais permettre à ses frères d'user en liberté de celle que nous avions. Cette idée nous amusa beaucoup, et le pauvre petit était tout décontenancé au milieu de ses rires dont il ne concevait pas la cause. « Franz croit, dit Ernest, que la poudre se récolte dans les champs comme le froment et l'orge. « Ton frère est si jeune, répliquai-je, que son ignorance est toute naturelle. Au lieu de te moquer de lui, tu devrais lui apprendre comment se prépare la poudre. » Cet appel à la science d'Ernest lui faisait trop de plaisir pour qu'il ne se disposât pas à satisfaire sur le champ nos désirs. Sa mémoire le servit à merveille. Il parla tour à tour des parties constituantes de la poudre, des proportions de charbon, de salpêtre et de soufre qui entrent dans sa composition, puis des précautions inouïes que sa fabrication exige. Il put facilement démontrer à ses frères que notre provision épuisée, il nous serait impossible de la renouveler. Nous partîmes avec la claie, à laquelle nous avions attelé l'âne et la vache, et précédé de Bill. Au lieu de suivre le chemin pittoresque des hautes herbes, nous prîmes le bord de la mer parce que la claie glissait mieux sur le sable. Nous arrivâmes en peu de temps et sans rencontre remarquable. Notre premier soin fut de détacher nos bêtes pour leur laisser la liberté de paître. Nous disposâmes ensuite sur la claie non seulement la tonne de beurre, mais encore celle de fromage, un baril de poudre, des balles, du plomb et la cuirasse de Turc. Occupés ainsi, nous ne nous étions pas aperçus que nos bêtes, attirées par l'herbe tendre, avaient passé le pont et se trouvaient déjà presque hors de vue. J'envoyai Ernest avec Bill pour les ramener et je me mis à chercher d'un autre côté un endroit favorable pour prendre un bain que les fatigues de la marche et de nos travaux avaient rendu nécessaire. En suivant les bords de la baie du Salut, je vis qu'elle se terminait par des rochers qui, en s'élevant de la mer, pouvaient nous servir de salle de bain. J'appelai Ernest. Je criai plusieurs fois, mais il ne répondit point. Inquiet de son silence, je sortis du bain pour en découvrir la cause. J'appelai encore, je courus dans la plaine, et ce ne fut qu'après quelques instants de la plus vive inquiétude que j'aperçus mon petit garçon couché devant la tente. Je craignis d'abord qu'il ne fût blessé, mais je reconnus bientôt, en m'approchant de lui, qu'il n'était qu'endormi, tandis que l'âne et la vache broutaient paisiblement près de lui. Et je vis que pour se débarrasser de la surveillance que réclamaient ces animaux, il avait enlevé 3 ou 4 planches du pont qu'il leur était de cette manière impossible de franchir. Je le réveillai un peu brusquement. « Allons debout, maître paresseux. Ne rougirais-tu pas si je disais à ta mère et à tes frères qu'au lieu de m'aider, tu t'es étendu à l'ombre comme un fainéant? Lève-toi et va promptement remplir ce sac de sel que tu verseras dans la sacoche de l'âne. Pendant ce temps, je vais prendre un bain, et lorsque la tâche sera finie, tu y viendras à ton tour. » Je trouvai le bain délicieux, mais j'y restai peu, afin de ne pas faire trop attendre mon petit Ernest. Je me dirigeai vers la place au sel, et je fus fort étonné de ne point l'y rencontrer. « Allons, me dis-je, mon paresseux sera encore allé s'endormir dans quelque autre endroit. » Mais soudain, j'entendis sa voix dans une direction opposée. « Papa ! Papa ! » cria-t-il. « Un poisson monstrueux ! Accourez ! Il m'entraîne ! Il ronge la ficelle !» J'accourus plein d'effroi et j'aperçus le petit philosophe couché sur une langue de terre au bord du ruisseau, employant tout ce qu'il avait de force à retenir une corde qui pendait dans l'eau et au bout de laquelle se débattait un superbe saumon qui avait avalé l'appât. Je saisis la corde et je le laissai regagner une eau plus profonde où il se fatigua en efforts inutiles. Puis je l'attirai dans un bas-fond où un coup de hache mit fin à ses angoisses et à sa résistance. Nous le tirâmes sur le sable. Il devait bien peser une quinzaine de livres. Après cet effort, Ernest se déshabilla et alla prendre un bain. Pour moi, j'ouvris le poisson, je le nettoyai et je le remplis de sel pour le transporter frais à Falkenhorst. Ensuite, lorsque mon fils revint, nous attelâmes nos bêtes et nous reprîmes la route du logis. À mi-chemin à peu près, Bill, qui nous précédait, s'élança tout à coup dans l'herbe en aboyant et fit lever un animal assez gros qui prit la fuite en faisant des sauts extraordinaires. Bill l'ayant chassé de notre côté, je fis immédiatement feu, mais je manquai mon coup. Ernest, qui me suivait, prit tout le temps nécessaire et visa si juste que l'animal tomba roide mort. Nous accourûmes pour le relever et nous restâmes quelque temps stupéfaits devant cette singulière bête, cherchant d'après ses caractères distinctifs à le ranger dans une classe d'animaux connus. Enfin, à son museau allongé, à sa fourrure grise et semblable à celle de la souris, et surtout à ses pattes de devant courtes et à celles de derrière longues comme des échasses, à sa queue longue et forte, nous pûmes reconnaître le kangourou. Ernest était tout fier de sa victoire, et son cœur se repaissait par avance des louanges que ses frères allaient lui donner. « Mais comment se fait-il, papa, que vous ayez manqué cet animal, vous qui tirez bien mieux que moi? J'en aurais eu de l'humeur à votre place. J'en suis charmé, au contraire, mon enfant, parce que je t'aime mieux que moi-même et que ta gloire m'est plus précieuse que la mienne. » Ernest me remercia les larmes aux yeux et nous nous préparâmes à transporter le kangourou. Je lui attachai les quatre pattes avec un mouchoir, puis à l'aide de deux cannes, nous le portâmes jusqu'à la claie. Je remarquai que Bill nous suivait en léchant la blessure sanglante et je me souvins qu'il fallait saigner l'animal pendant qu'il était encore chaud pour pouvoir le conserver intact. Nous continuâmes notre route vers Falkenhorst en causant de l'histoire des animaux rongeurs et des marques distinctives qui ont servi à les classer. Le kangourou fournit à Ernest une foule de questions. Il s'étonnait surtout de n'avoir jamais vu dans ses livres la description d'un animal semblable. Je fus obligé de lui apprendre que le kangourou, quadrupède propre à la Nouvelle-Hollande, n'avait été encore vu que par Cook dans son premier voyage. Les naturalistes, ajoutai-je, attendent que de nouvelles observations aient confirmé celles de l'illustre voyageur, et jusque-là ils se sont bornés à renvoyer à sa relation. Lorsque j'ai vu ces bonds qui t'ont frappé, ma mémoire m'a rappelé le passage de cette relation qui convient à l'animal étendu mort par ton adresse. Tu vois l'inégalité entre les jambes de devant et celles de derrière. Celles de devant, qui n'ont que 8 pouces, peuvent à peine lui servir à creuser la terre, tandis que celles de derrière, qui ont 22 pouces, lui permettent de franchir d'un bond de grande distance. Remarque aussi que sa tête et ses oreilles ressemblent à celles d'un lièvre. On lui a conservé le nom de kangourou, que lui donnent les naturels de la Nouvelle-Hollande. Nous fûmes forcés souvent d'interrompre cette conversation pour soulager nos animaux en soulevant la claie au moyen de levier. Nous arrivâmes enfin, quoiqu'un peu tard, à Falkenhorst. Des cris de joie nous saluèrent de loin, mais nous ouvrîmes de grands yeux en voyant le burlesque spectacle qui nous attendait. Des trois petits garçons, l'un avait un habit de matelot qui l'enveloppait 2 ou 3 fois et lui tombait sur les talons. Celui-ci, des pantalons qui le prenaient sous le menton et ressemblaient à 2 énormes cloches. L'autre, perdu dans une veste qui lui descendait sur les pieds, avait l'air d'un porte-manteau ambulant. Il paraissait cependant tout joyeux de leur accoutrement et se promenait fier comme des héros de théâtre. « Quelle farce avez-vous donc voulu nous jouer là ? » m'écriai-je après avoir bien ri de ce spectacle. Ma femme nous expliqua comment nos trois fils avaient voulu, pendant notre absence, se donner le plaisir du bain, qu'elle en avait profité pour laver leurs habits, mais que ses habits ne se trouvant pas secs, elle avait cherché dans la caisse repêchée la veille de quoi les vêtir provisoirement. Après l'accès de gaieté provoqué par ce travestissement, on courut à la claie pour examiner les richesses que nous apportions, et le kangourou surtout devint l'objet de l'admiration générale. Fritz seul restait sombre au milieu de la joie universelle et s'efforçait de combattre le mouvement de jalousie que lui inspirait une si belle proie atteinte par son frère. Il le surmonta enfin et vint prendre part à la conversation sans que d'autres que moi l'eussent remarqué. Cependant, il ne put s'empêcher de dire, J'espère, mon père, que vous m'emmènerez avec vous la prochaine fois, au lieu de me laisser à Falkenhorst, où il n'y a à chasser que des pigeons et des grives. Je lui promis que le lendemain il m'accompagnerait, et peut-être pour un voyage au vaisseau. Et je lui fis voir que du reste, lorsque je le laissais à Falkenhorst pour protéger sa mère et ses frères, c'était lui donner une preuve de confiance dont il devait être flatté, au lieu de m'en savoir mauvais gré. Nous nous mîmes à table avec un grand appétit. Je résolus de vider ce soir même le kangourou. Je le suspendis ensuite pour le trouver frais le lendemain. Puis nous allâmes prendre un repos dont nous avions tous besoin.